S-H-E-R-A-Y-O-L-B-N-D-S-P, à sauce de dingo. Je l'ai déjà dit, t'assistes à l'attaque du contre-empire. Les racks transpirent pendant que des moines transcrivent mes textes en sanskrit. Encore une fois, je reviens pour fermer vos petites gueules. Vous parlez trop, on se croirait dans Gossip Girl. Dans ce game, y'a que les vrais comme mon numéro. Le crew c'est LBN, je traîne qu'avec des généraux. Pauvre tarpa, tu veux jouer les dealers d'héros. Alors ton peura ne parle pas aux hétéros. Quand je m'exprime, c'est du grand art. 9-3 sur l'étendard, j'ai pas fait rap contender, mais je suis légendaire. Ramène ta clé que je l'enterre, on en reparlera. Tu fais de la bonne petra, mais des sales peura. Laisse-moi lire ton contrat, je vais t'expliquer à quel point et à quel endroit tu t'es fait niquer. T'as choisi la mort et chichi, maintenant tu chiales seul dans ta piole en écoutant Lionel Richie. C'est affreux, c'est horrible, c'est idiot, c'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes, et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. C'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble, c'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes, et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. Ok, 2-3 règles de base. Pour être un rappeur, faut commencer par rapper, espèce de naze. Ensuite, faut arrêter de te saper comme une espèce de trave. Et enfin, changer vos merdes de blase. J'sais, j'suis dur en affaire. Dès que j'branche le HF, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'allonger par terre. On a grandi dans le ghetto, bouffé du béton. On arrive en retard parce que quelqu'un a écrasé un piéton. Toi, personne te calcule, t'es qu'un sale nul. Tes textes sont chiants, c'est pour ça que tu fais du rap conscient. Je considère moins qu'un cafard, tu fais de la merde. Nous on fait des trucs à part, tu sais pour qui je passe celle-là. Mes vrais gars de Blancoc à Celsar, de Montreuil à Best Bar. Pour les haters de tout bourg, pour ma banlieue nord. Pour ceux qui me connaissent même pas, mais qui m'aiment pas. C'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble, c'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes, et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. C'est affreux, c'est horrible, c'est ignoble, c'est surtout très dangereux quand j'arrive sous peu en mode ivrogne. On chie sur tes plates-bandes, et si t'es pas d'accord, on transforme ta sale bande en tas de sang. Yes, S-H-E-R-A-Y-O, c'est là, c'est pour mon gars Slob. Yes, tu sais que je suis un mec ignoble, dès que je suis en mode ivrogne, yes. C'est pour les mecs du Havre, c'est pour tous les mecs qui savent.